L'autopartage permet d'accéder à une voiture en libre-service 24 heures sur 24 pour des usages occasionnels et de courte durée. Il permet de réduire le nombre de voitures sur les routes et d'optimiser leur utilisation. Une voiture particulière ne roule en moyenne qu'une heure par jour, mais elle représente une grosse part du budget des ménages. L'autopartage permet donc d'avoir une voiture juste quand on veut. On réserve par téléphone ou par Internet, on accède à la voiture grâce à une carte d'abonné, on paye à l'heure ou au kilomètre. Assurance, carburant, entretien, stationnement, tout est compris. Réponse A et C.